qu'il demande, alors tu seras gagné par Dieu. Dieu est venu en chair, permettant aux hommes de voir ses actes. Son esprit se fit chair, afin que les hommes puissent toucher Dieu, qu'ils puissent le contempler, arriver à le connaître. Seulement par ce moyen concret, Dieu rend les hommes complets, ceux qui sont capables de mener leur vie selon son modèle et suivre son cœur, sont ceux gagnés par Dieu. Être gagné par Dieu signifie prendre son exemple comme modèle parfait pour l'homme. Suis le Dieu concret, vis une humanité normale, pratique ses paroles exigeantes. Garde bien toutes ses paroles, réussis ce qu'il demande, alors tu seras gagné par Dieu. Si Dieu ne parlait que dans le ciel, et s'il n'était pas venu sur terre, comment l'homme le connaîtrait-il? Avec des mots creux pour transmettre ses œuvres et sans ses paroles comme réalité, Dieu vient comme un modèle afin que l'homme le voie, le touche et soit gagné par lui. Être gagné par Dieu signifie prendre son exemple ses paroles, réussit ce qu'il veut.